doudoudoul, doré de platine. Yeah. Si je n'ai que la peau de l'ours, moi je la vends pas. Je te mens pas, hier j'ai tellement mis la moto en Y, j'ai mal aux avant-bras. Moi je suis là, je te donne de la force. Toi tu la donnes à des fils de que j'aime pas. Je sais que t'as parlé de moi, alors si on se croise, je vais me voir, te gêne pas. Non, non. Au début on s'aime, un peu plus tard on ne s'aime pas. Tu peux dire que j'ai plus de cœur, on m'a fait mal, mais au fond je saigne pas. J'ai cherché l'erreur, c'est bon je l'ai trouvé. C'est bon je l'ai trouvé. Ils m'ont dit que c'était mes bons potons, mes bizarres, ils me l'ont jamais prouvé. Jamais prouvé. Je n'en ai rien à cirer. De savoir comment vos vies ont viré. Perdu dans la pyrène, cherche un moyen de m'en tirer. Mais sache que plus on va me critiquer, plus j'écrirai. Je souris, ouais, mais au fond, je suis l'ennemi. Tu te souviens de moi, je suis celui qu'on appelle l'OVNI. Belle retard comme mi. Tous ces comiques m'insultent en anonyme. Ils ont pas de vie, mes frères, on les connaît. Que tu t'inventes des vies de tueurs en série. Tu penses à décoller à chaque fois que j'atterris. Tous les jours dans ma grotte, le soleil me nique les yeux. Je suis plus habitué. Tu sais plus qui tu es. Tout le monde le sait, tu es ravi, tu es. Toujours la classe, même en survêt, tu es en place. La peu dans la valise, sous jack dans la gare. Ça devient galère de monter chargé jusqu'à Paris. Ils sont lunatiques, pas grave, je les nique. Rien qui me fatigue, c'est jaloux, je les nique. Ce que je dis est tellement vrai que ça vouloir, je les pique. Si ils parlent de moi, s'il te plaît, dealer, je les nique. Ils pensent à mal de moi, je les fais taire. Je vais les faire vibrer comme un réseau et Chester. J'ai commencé steak sans fumette, chaussettes sur l'alarme dans la chambre d'un best western. Je deviens jaloux comme mon pute. Et comme chaque MC, je supporterai pas de me prendre des chiffres sur un fil. On veut du bien et on m'incite au mal. Y'a rien entre nous, mais pourquoi quand je les vois ils sont mal? Alors le sang ça veut te passer la pommade. Racisme, j'ai grandi avec toutes les couleurs de peau, man. Remonter la pente, c'est dur, man. Comme essayer de lever un 650 pur, man. Un 3-5, la pointe, ah ouais, je suis formel. Méga monté dans le game, tu leur fais fort mal. Je rappe la cité, beaucoup de capacité. T'as fait la pute, ben on t'a pas cité. Ensemble Ferrari, mental Ferrara. Et dans tes sentiers plein de moi, j'arrive et je vais vous niquer. Gifle sur l'oreille, va au piqué avec ton flow recyclé. Tu vois pas, t'es traîné. T'as trop pris ton rôle à cœur et tu vas te faire traîner. Je me sens bien seul, j'ai pas besoin d'être aimé. Pas besoin d'être freiné par des faux culs qui font que t'engrainer. Tout au jour, le 24 juin, dans les bacs émotions. Tu me testes, tu vas te carrer. On juge un rappeur à sa carrière. On va te mettre la tête au carré. Repousse de volet extérieur. Pas la même à l'intérieur. Non, non. Ça cherche des garages avec des gros postérieurs. J'aime pas les gens qui sous-estiment. À personne tu es inférieur. Inférieur. Du doudou le 24 juin dans les bacs, ça va péter fort. Dédicace à Majdou, Kylian et Evans, Aileen. Dédicace à Fetchy, c'est le F. Le petit Lorenzo, Axel El Fuego. Allez à lui une couille et Cédric au CD du Ponté. Salim Stress, Momo Perper, prison de Valence. Voilà, c'est tout du tout en direct. On va tout péter, ma gueule. Non, non, non, c'est pas grave. T'as parlé de moi, frérot, c'est pas grave. Ah, ah, ah. Non, non, non, c'est pas grave. Dieu, Dieu, Dieu. Non, c'est pas grave. Ok. Non, c'est pas grave. C'est bon, j'en ai trop fait là. Tu veux que je te dise quoi? T'es mon pote, mais tu donnes plus de news quand je suis loin de toi. Je suis celui avec qui t'as galéré, tu te rappelles de moi? On a traîné ensemble et mangé sous le même toit. Et toi petit bâtard qui joue avec mes couilles sur le net. Si on se croise, viens me voir, coup de tête, balayette. T'as les putes à tes yep, mais ta mère est en galère gros. Ton présent est nul et ton passé il n'a pas l'air beau. Je deviens nerveux, pourquoi vous me faites ça? Ouais je vous en veux, Franco c'est pas bien ça. Zapper son poteau, non c'est pas bien ça. Après tout qui reste entre eux, moi j'ai pas besoin de ça. Ça y est je fais ma life, le bonheur me tape à l'œil. J'ai sorti une féfé, ne me portez pas à l'œil. Ouais moi aussi j'avais rien dans le portefeuille. Eh ouais je suis un homme, eh ouais je cache mon orgueil. Eh ouais j'étais là au deuil. Ouais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, moi aussi assis sur ce fauteuil. Bisous à mes vrais, là-haut au ciel. Mon cœur devient pauvre et là j'ai atteint le seuil. Et c'est trop les salades que ça raconte. Que c'est bien les balades je m'en rends compte. Ah ouais c'est salastre à la longue. Les flics faut les caillasses à la ronde. Ça me fait des poussettes, voilà pourquoi je calcule des gains. On vient me dire qu'il parle de moi et je vois que c'est un dégain. Il se monte, soit 10 ans, il dégaine. Ça va faire 10 ans qu'il a la même dégaine. Marseille, c'est quoi de cap, moto, CZ, Grogo, Asics, Nike, Croco, alcool et popo. Pour mettre PM, BM, KTM, le C4, la sirène, meurtre en bande ADN. Le chien, chien cherche la chéchienne. Les tchèques sont armés comme des tchétchènes. On boit toute la nuit traître à la tienne. On se trouve tranquille, toi tes couilles te les tchétchènes. Je mets les hauts clés, maintenant je crains trop le soleil. J'suis toujours au pays, poto, si tu veux parler. Si tu veux faire un tête, si tu veux qu'on saillisse. Si tu veux qu'on s'aime comme au pays des merveilles. J'lâcherai pas le quartier comme Messi au Barça. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, tu dis quoi à part ça? Toujours devant le bloc, toujours l'argent sale. Et des fois je pleure des larmes salées. Faut que j'aille fumer, faut que j'aille me calmer. Je me suis trompé sur ce qu'il valait. Des fois je pleure des larmes salées. Faut que j'aille fumer, faut que j'aille me calmer. Je me suis trompé sur ce qu'il valait. Ok, ok, ok. Alors, frangin, ça va? Ça va. Tu m'as manqué, si tu savais. Je te déconseille de traîner par là, car sur ton dos, ils font que baver. Je fais des cauchemars de fou quand je fume pas avant de dormir. Et quand je fais un rêve, j'ai plus envie d'en sortir. Des fois, je mange pas jusqu'à des envies de vomir, parce que j'ai toujours ces fils de folle dans ma ligne de mire. Et non, non, non, c'est pas grave si tu as parlé de moi. Non, c'est pas grave si tu as pas cru en moi. Non, c'est pas grave si tu as fait ton choix. Non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, non, non, c'est pas grave si tu me fais plus la bise. Non, c'est pas grave si dans tes statuts tu me vises. Non, c'est pas grave. Moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Pour moi, tu n'es plus valable. Manque-toi avec moi, je te nique ta gramme. Quand je m'emporte, y'a plus d'état d'âme. Y'a plus d'état d'âme. Tu penses à moi quand tu fais la fête. Pourquoi tu fais la tête? Moi, je t'aime bien, mais tu m'embêtes. Au pire, viens faire un tête. C'était trop la dèche vers là où j'ai grandi. Dédicace tous les quartiers, toutes les banlieues. De Staille d'ici, on se languit. Souvent de meurtre, on a envie. Tu me rabaisse, frérot, c'est pas grave. Tu m'as oublié, frérot. C'est pas grave, c'est pas grave. Je t'ai aidé, tu me salis. Non, non, non, c'est pas grave. S'asseoir, ça m'appelle pas. C'est pas grave. Quand j'ai, je te donne. Quand tu as, tu me donnes pas. C'est pas grave, j'ai l'habitude. C'est pas grave. Le cœur avant tout. Parce que le bon Dieu voit tout. Djidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidjidj